Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans ce Quoi qui se passe. On va faire un before d'un festival de BD. J'ai avec moi comme chroniqueur le retour du grand, du majestueux de Gandalf Cantrave 81. Oh quand même, tonne de glorification quand même, je suis génie. Bah, t'es quand même un gentil monsieur, on a beaucoup parlé de toi à Podren quand même. Très gentil monsieur. Donc du coup oui, on va faire un festival de BD. Donc est-ce que donc on va, c'est le festival de la Fouillade. De la Fouillade, ouais, c'est ça. C'est le nom de la ville, donc le festival porte le nom de la ville. Donc ça se trouve dans l'Aveyron. Est-ce que on peut passer directement à la partie historique du coup, ou on va dire des conneries en plus avant? On va rajouter que c'est ce que j'appelle moi dans le jargon le festival qui est resté à taille humaine. Ouais. Voilà. Ok. De la Fouillade, ça reste quand même un petit village. Oui, c'est vrai. Pour y être passé vraiment juste à côté il y a quelques semaines, ouais, c'est plutôt petit. Oui, voilà. Donc, ouais, c'est un festival qu'on trouve pas très loin de Najac, peut-être pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais, j'avais noté 6 km de Najac, 20 de Villefranche-Jurouergue et 50 km d'Albi, pour situer à peu près. Donc ouais, on peut faire l'historique, donc c'est un festival qui a débuté en 2004, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, parce que moi quand j'ai fait les recherches, c'était en 1997. Ah peut-être plus tôt, ouais, je sais plus. Ouais, parce que je crois qu'ils avaient fait une pause à une époque. Ouais, il y a peut-être ça, parce que après oui, ou sinon ça a peut-être changé de nom ou d'organisation, et du coup il y a peut-être eu un truc comme ça. Moi, je pense que t'as raison, je pense que c'était beaucoup plus ancien que ça, mais je crois que ouais, ça avait été repris à une époque, parce que moi j'ai pas fait les premiers quoi à l'époque. Oui bah ouais, tu devais être assez jeune je pense. J'avais déjà commencé les festivals à l'époque déjà. Ouais. Donc, oui donc c'est un festival de BD donc, qui a été créé en 97. Donc ouais, bah, c'est un festival de BD classique où on retrouve des dédicaces de grands auteurs. Et là, en fait, bah, c'est plus qu'un festival de BD, parce que c'est aussi de la littérature jeunesse. Donc il y a BD, romans et livres pour enfants. Ouais, et ce que moi j'appelle aussi dans le jargon les romans régionaux. Oui. Oui, genre, oui, les BD sur les villes, genre Albi, Toulouse ou les Qatars ou les trucs comme ça, je pense. Voilà, c'est ça aussi. Donc oui, donc moi je connais ce festival depuis les affiches. 2005. Tu te repères aux affiches? Ouais, aux affiches, ouais, je m'en rappelle. Bon, peut-être même avant, j'y suis allé, mais je m'en rappelle plus très bien, mais je revois les affiches à partir de 2005, voilà. Donc oui, comme je disais déjà en préambule, donc c'est ce que moi j'appelle toujours le festival à taille humaine, voilà, c'est pas ce qu'on appelle l'usine, comme Angoulême, comme d'autres festivals. Oui, c'est vrai qu'Angoulême, c'est vraiment l'usine. C'est l'usine, c'est pas non plus comme Saint-Malo. C'est ces festivals-là qui se perdent d'ailleurs. C'est tout petit festival où il n'y a pas trop d'auteurs. C'est pas des auteurs hyper réputés. Bon, même si à la Fouillade, là, l'affiche est très jolie, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est quand même ces petits festivals qui se perdent, voilà. Et c'est là aussi où on fait de belles rencontres, quoi. On prend le temps de savourer ce qu'on fait, le temps de discuter, le temps d'observer, tout simplement, voilà. Oui, c'est vrai, ouais, j'en ai fait quelques-uns comme ça, vraiment, où t'as des tout petits festivals où bah, tu peux parler à tout le monde, t'as pas la pression d'Angoulême ou genre des festivals un petit peu plus gros comme on va dire le TGS, même si c'est pas un festival de BD, mais t'as moins de cette pression-là. Voilà. Donc pour revenir par rapport à cet historique, qui ont reçu précédemment? Alors précédemment, ils ont reçu quand même ce qu'on appelle des grosses pointures quand même. Dire la vérité, on a eu droit par exemple en 2006 qui a réalisé l'affiche à André Chéré. André Chéré, j'en avais déjà parlé précédemment, c'est tout simplement le dessinateur de Raon, le fils des Elfes Farouches. Ah. Voilà, ce qui, à mon humble avis, le l'un des meilleurs dessinateurs français. Le meilleur est un Moebius, bien évidemment. Mais bon, ça, après, c'est, ce n'est que personnel. Oui, c'est les opinions mais qu'ils personnelles, ont réussi. Voilà. Mais bon, quand on dit ces noms-là, on se trompe généralement pas trop. Hein. Après, c'est qu'une question de goût. Après, qui c'est qu'ils ont reçu encore ? Donc, ils ont reçu aussi Mézières, qui fait Valérian et Laureline, ouais, qui est une très très bonne BD. Je vous conseille de les lire si vous avez l'occasion. Bah, pour faire juste un petit aparté sur Mézières, oui, j'ai lu la première intégrale de Valérian et Laureline. C'est un petit peu vieux, un petit peu difficile à lire parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de textes, mais c'est très très bien. Et je vous conseille aussi de voir le road strip qu'il y a eu sur Jean-Claude Mézières. Surtout que les premiers tomes sont pas forcément les meilleurs. En plus. Oui. Comme dans toute chaque grande histoire comme ça, c'est pas forcément les premières les meilleures. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même du boulot, quoi. Enfin, il y a eu du chemin de fait. Après, il y a eu d'autres auteurs qui sont peut-être un peu plus méconnus du grand public, parce que ceux-là, bon, quand ils sont quand même. Il y a eu Philippe Lugy. Alors Philippe Lugy, peut-être que certaines ne connaîtront pas, il a longtemps travaillé, il a travaillé dans PIF, et il a fait, alors dans PIF Gadget, il avait fait Silvio le Grillon, peut-être que certaines ne connaîtront pas, et surtout, la BD pour laquelle il est le plus connu, et ce qui est sa BD, qui est une BD extrêmement bien, moi je les ai lues plusieurs fois, donc ça prouve qu'ils sont vraiment bien, c'est Percevant. Percevant, oui, ça dit plus quelque chose. Donc Percevant, c'est grosso modo, c'est un peu c'est de l'heroic fantasy, mais avec un dessin qui est à la fois élaboré, mais qui reste franco-belge, donc pas réaliste, quoi. Un peu ce côté qu'avait un peu ce côté Spirou, tout ça, donc Franquin, puis Tillieux, tout ça, voilà, un peu ce genre-là, quoi. Et c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien scénarisé surtout. Donc on en prend plein les yeux, parce que c'est très beau. Et le scénario tient la route. Donc aussi, voilà. Si vous devez lire quelque chose aussi, lisez Percevant, c'est extrêmement bien. Et après, bon, il y a eu d'autres auteurs, peut-être que certains connaîtront un peu plus, mais qui étaient passés plus en coup de vent. Par exemple, comme Gibra, les amateurs de BD reconnaîtront, je vous laisserai chercher. Même, c'est très visuel ce qu'il fait. Et il y avait eu aussi Herman. Après, si je pouvais citer encore d'autres auteurs, ils ont reçu aussi. Vas-y. Donc on y est. Ils ont reçu Onu Derzo. Et oui, parce que des Uderzo, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le frère Marcel, que les gens en connaissent bien moins, qui a beaucoup travaillé dans les BD d'aviation. Et qui a aussi, comme son frère, un sacré coup de crayon. Et je vais finir par le. Encore quelqu'un de très connu qui, depuis quelques temps, fait des émules sur les plateformes de. Fait des émules, entre guillemets, bien évidemment. Fait quelques émules sur les plateformes de financement participatif, pardon, c'est Jean-Yves Mitton. Mais qu'a fait Jean-Yves Mitton ? C'est ce que j'allais dire, ça me dit rien de nom non plus. Eh bien, il a longtemps travaillé chez Lug, qui a été l'un des premiers éditeurs de comics en France. Lug, c'est Mick. C'est ça, voilà. Il a longtemps fait L'Archer Blanc pour le journal de Mickey. Il a longtemps travaillé sur du Spider-Man. Et si vous allez à librairie en ce moment, malgré un auteur de nage assez canonique, il est dans 45, et ben il y a des nouveautés. Il y a l'intégrale Micros. Je vous laisse chercher, ça a été longtemps édité je crois que c'était dans les Fantasques. Alors, ce qui ne rejoignit personne d'ailleurs, mais je voulais chercher. Donc il a fait voilà, il a fait du dessin plus comics et il a fait aussi un peu de un peu beaucoup de franco-belge, voilà. Oui, donc c'est un petit peu un touche à tout au niveau de l'édition et de la réalisation de BD. Après voilà, bon, après il y a eu d'autres auteurs bien évidemment, ce serait trop long de tous les citer, je citerai peut-être un petit en revoyant l'affiche là. C'est oui, après ouais, c'est dans les festivals comme ça, ils demandent toujours à un auteur de créer l'affiche. Mm. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de personnes. Moi, j'avais noté aussi Patrick. Non, ça c'est pas pour les affiches, mais c'était Willem. Ou, non, ouais. William, pardon. Pour, William. Qui fait Les Sisters, ouais. Entre autres. D'ailleurs, je reviendrai sur lui un peu plus tard parce qu'il y a une petite histoire par rapport à ce festival. Je vais vous raconter. Ça raconte mon histoire aussi, c'est beau. Alors, je citerai un dernier auteur qu'on ne voit plus trop en dédicace, malheureusement, qui lui aussi est atteint d'un âge malheureusement canonique, c'est Pierre Serron. Pierre Serron, tout simplement, il était chez Dupuis et faisait Les Petits Hommes. D'accord, oui, ça me dit vaguement quelque chose de non. Ah, c'est 60, c'est 40 ou 60 volumes quand même. Oui. C'est pas voilà. Donc oui, bon maintenant il sort plus trop de choses, mais bon c'est quelqu'un qui était quand même assez coté il y a quelques temps quoi. Non mais je pense que maintenant on a fait à peu près le tour de l'historique global du festival. Donc bon, après moi ce que je citerai c'est que c'est toujours à taille humaine et qu'il y a une ou deux têtes d'affiche pour un peu attirer les gens et après il y C'est a. ce que j'allais dire, quand on regarde sur leur site internet que je mettrai en lien, bah on voit vraiment dans les auteurs présents, bah on a les fidèles où on a quand même quelques jolis noms, dont Patrick Sobral qui fait Les Légendaires. Bah, c'est vraiment lui qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu la liste. Et ensuite, les petits nouveaux où il y a aussi deux, trois noms qui sont peu sympathiques. Et c'est vrai. Ouais, il y en a surtout un à citer. Vas-y. On le dira après. Eh ben, bon, je pense qu'on va commencer par parler des auteurs présents, même comme ça, Oui. ce sera tout à fait naturel. Donc, il y a Nico Henrichon. Mais qu'a fait Nico Henrichon? Je vais citer qu'une seule unique chose qui va de suite vous sauter aux yeux, c'est Noé. Non, il n'a pas écrit la Bible. Il a tout simplement travaillé sur pas l'adaptation du film en BD. Non, c'est C'est. l'œuvre originale qui a été adaptée en film. Ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il a travaillé avec le réalisateur dont je ne me On rappelle plus rappelle le plus nom, du mais nom. ce n'est pas grave. Pas trouvé ça C'est vite un peu fait. compliqué hein, de toute façon. Ouais. Donc il a travaillé sur Noé qui est sorti en trois tomes et puis en relié maintenant. Darren Aronofsky. Voilà, merci. À noter que la BD est mieux que le film, mais ça c'est une question de Ouais, goût. Ouais. après, ouais, c'est les échos que j'ai eu aussi. Bon, comme toujours, Bon, j'ai après. toujours pas vu le film, donc je peux pas dire la qualité du film, mais c'est les échos, ouais, qui ressortaient un peu. Forcément, dans une BD, on peut toujours plus s'étaler qu'au cinéma. Oui, Ça, les effets spéciaux on n'en revient coûtent pas là. beaucoup moins cher en BD que pour les productions audiovisuelles. Mais c'est ça l'avantage de la BD Oui. d'ailleurs. Il y aurait plein de trucs qui n'auraient pas été faits sinon. Mais donc, alors pour revenir à cette personne, donc maintenant elle travaille sur Albi, elle vit sur Albi d'ailleurs, bon, comme la plupart des dessinateurs comme travaillent chez eux. Et il a travaillé chez Vertigo et chez un peu chez Marvel aussi, pour vous donner un calibre. Il avait d'ailleurs sorti une très bonne BD qui était One Shot, qui s'appelle Pride of Baghdad. Qui s'appelle Les Lions de. Je crois que c'est le vrai nom ou c'est Les Lions de Bagdad, je crois d'ailleurs, chez nous. Je sais plus, je me rappelle plus très bien du nom. Qui est assez intéressante à lire aussi. Ça me dit rien. Autant Noé, ouais, je vois, parce que bah, avec le film et un peu avant, je vois un peu, mais ouais. Les Lions de Ouais, Bagdad c'est. ou Pride of Bagdad, oui, c'est un peu moyen. Ouais, c'est sorti déjà il y a quelques temps en plus, donc simple à trouver. Oui. Donc après, à part ça, il y a, parce que ça c'est un petit nouveau. Si vous voulez, ce festival travaille avec une grosse, comment dire, un gros collectif de dessinateurs fidèles, voilà. Oui, puis je vois Fidèle et puis aussi Régional, parce qu'ils sont tous plus ou moins proches de la Fouillade, ou au moins Oui, c'est dans ça. l'Aveyron et vraiment proches en fait. Oui, il doit y en avoir des un peu plus loin parce que moi je sais qu'il y en a qui sont d'à côté de Narbonne. Bon, c'est pas non plus le bout du monde, mais. Oui. Oui, c'est. Mais d'ailleurs, pour en revenir à ça, parce qu'il y a des régions de l'étape, le dessinateur que tu as cité tout à l'heure qui s'appelle William, anciennement Will Mori, et qui travaille sur la BD de Bambou, à noter qu'il y a beaucoup d'auteurs Bambou. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais bon, on en tête un petit peu plus tard, et qui travaille sur les Sisters. Bon, je sais pas toi si tu connais les Sisters, mais c'est un gigantesque, je pèse mes mots, c'est un gigantesque succès en librairie. Oui, c'est. Je connais, ouais, pareil, de vue, sans, mais j'ai pas lu. À noter que c'est à peu près, j'avais lu des chiffres, c'est 5 000 BD vendus pour le dernier tome. Oui, donc c'est. Toute proportion gardée, ouais, c'est quand même pas mal au niveau de l'édition. Et pour les échos que moi j'en ai par rapport à ce que vendent les autres dessinateurs, pour pas faire un différentiel bien Oui. évidemment, pour pas les comparer, c'est énorme hein, parce que des fois certains volumes, s'ils se vendent à 3 000 exemplaires, je crois on peut s'applaudir quoi. Déjà. Donc après moi c'est après tout ce que je cite c'est des BD qui sont que vous pouvez lire quoi. C'est pas parce que c'est des succès des fois des succès des succès qu'on comprend pas trop. Voilà, c'est, ça se vend, on sait pas trop pourquoi, parce que ça a pas toujours des bonnes qualités, c'est pas toujours tip top. Donc ça, les Sisters, vous pouvez lire. C'est aussi très bien scénarisé. À noter que le scénariste n'est pas là cette année. Et c'est un très bon scénariste de chez Bamboo qui s'appelle Cazenove, si ma mémoire est bonne. Et je vous conseille de vous lire ces livres, c'est toujours très bien, toujours bien écrit. Bien écrit. Toujours bien écrit, voilà, toujours le petit mot pour rire, c'est très. Très bon, c'est pas. Ouais, c'est pas enfantin, mais c'est. Voilà, c'est de la bonne rigolade. Voilà, il y a toujours un petit peu de double lecture, c'est bien ciselé, quoi. D'accord, ouais. Après voilà, dans ce festival il y a d'autres auteurs de chez Bamboo, donc je citerai un petit peu plus tard pour le citer. Mais par exemple il y a, c'est pour aussi parler de la qualité des BD Bamboo, il y a Alain Juillet. Alain Juillet il est surtout connu pour faire la série Les Vélos Maniaques, 10 tomes déjà. C'est ce que je suis en train de lire, ouais, c'est... Ouais. C'est quand même pas mal. Il y a 10 tomes, voilà. Ouais, c'est que ça marche quand même un petit peu. Et que ça marche un petit peu, et c'est puis ça reste un tome par an, c'est pas excessif, donc... Oui, ça reste, ouais, un tome par an, c'est, on va dire, la majorité des publications en termes de BD française. C'est ça, ouais, c'est la moyenne. Quoi. Après, voilà, je vois déjà certains venir, c'est, ils doivent se dire, ça doit être comme les blondes ou je ne sais quoi. Non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est peut-être les BD, parce que c'est la qualité aussi des auteurs de chez Bamboo. La plupart des BD humour où il y a le tome 150 et je ne sais quoi sont restent quand même d'une qualité bien supérieure à la moyenne. Quoi. C'est toujours bien écrit. Moi, les Vélos Maniaques, chaque année je le lis. Chaque année je me marre. Quoi. Après, ouais, c'est peut-être aussi la marque de fabrique de Bamboo d'associer vraiment un humour particulier à un sport ou on va dire un stéréotype, mais ils ont beaucoup ça parce que je crois qu'ils doivent avoir les pompiers, les profs. Du coup, la Vélomaniaque, les gendarmes, les rugbymen. Et tout ça, c'est des BD de qualité, quoi. C'est toujours assez bien écrit. Ouais. Reste quand même assez drôle. Et les dessins sont jamais galvaudés, quoi. Si vous prenez, moi, je prends mon exemple. Encore une fois, faut toujours l'exemple. Chez les pompiers, dessiné par chez Bamboo, est dessiné par Stédo, qui est un dessinateur qui a à peu près une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne. Et enfin, les dessins sont juste, mais c'est juste incroyable. Quoi. C'est d'une beauté, d'une finesse et abus. Et ça, c'est un trait. Des fois, pour les BD d'humour, on prend un trait, comme moi j'appelle dans les mangas, tu vois, des fois, il y a le trait stéréotype du manga, ouais. D'humour. Grossier, il n'y a pas de finition. C'est ça que tu veux dire. Voilà, il n'y a pas de finition. Des fois, le shoujo, c'est dessiné comme un shoujo. Le shonen, il y a des codes à respecter, tout ça. Ça au manga, ça dans le manga, ils font très bien. Là, c'est des BD d'humour, mais qui restent quand même bien dessinés. Si vous prenez les pompiers, je pense que la plupart des dessinateurs doivent être jaloux de ce dessinateur-là, quoi. Moi, je trouve les dessins, mais juste magnifiques. C'est ça qui est la force aussi de Bamboo, quoi. C'est de proposer des univers, de proposer des séries, certes, qui sont un peu longues, mais qui restent de qualité, quoi. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, on rebondit chez Bamboo, on trouvera... Le vrai, encore une fois, c'est un auteur qui n'est pas régional, cette fois, pour le coup, c'est Marco. Oui, on a pu voir aussi dans le documentaire Sous les bulles, l'autre visage de la BD, qui a fait un petit bruit là, il y a quelques temps, parce qu'il était disponible gratuitement sur YouTube, et je crois qu'il est encore disponible en ce moment. Il est encore disponible, je sais pas trop, ouais. Ils ont peut-être voulu le laisser, parce que c'est quand même si, beau. Si, c'est suite à... on va dire entre guillemets la petite polémique qu'il y a en ce moment sur les auteurs de BD et les droits du coup donc c'est Mayenna Bilguin qui a réalisé ce documentaire qui a laissé en libre accès encore une fois donc je mettrai le lien de la page Facebook et du documentaire YouTube en article. Non, mais c'est voilà. Un documentaire, regardez-le quoi. Si vous êtes, si vous aimez la BD, que vous voulez comprendre un peu son microcosme, regardez-le quoi. Oui, puis ça donne aussi un angle de l'état actuel de la BD, même si ça doit être un petit peu évolué, on ne doit plus être trop loin quand même du documentaire. Le documentaire était sorti assez rapidement après la production, donc c'était quand même un tas des lieux assez réel quoi. Même s'il y a eu des changements, bon, nous vous laissons chercher sur internet. Vous verrez que beaucoup de dessinateurs ont décidé d'arrêter pour l'instant la production de BD et d'arrêter tout simplement leur art du fait qu'ils veulent revaloriser leur si mort est bonne, c'est leur pension retraite. Oui, ça, ouais. Leur cotisation, ouais. Les cotisations ont augmenté, et en fait, de ce que j'ai suivi, c'est ça représenterait un mois de salaire sur l'année, alors que bah, c'est un milieu très précaire et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de donner un mois de salaire comme ça. Voilà, c'est ça, déjà. Et moi, je connais déjà beaucoup de dessinateurs qui faisaient ça à côté. Oui. Oui, on va dire entre guillemets pour le plaisir. Oui, c'est ça, pour le plaisir. Est-ce que c'est arrondir les fins de mois ? Peut-être un peu aussi. Ça, au moins, ça permet de valoriser un peu son art. Mais j'en connaissais pas énormément qui vivaient de ça, quoi. Donc là, nous revenons sur Marco, voilà, que vous pourrez voir dans ce beau documentaire. C'est pas un régional de l'État parce que tout simplement, il tient du Pays Basque. Oui, donc ça fait un petit peu loin. Voilà, ça fait un régional un peu loin. Pour l'anecdote, on peut faire quand même du jambon de Bayonne jusqu'à Périgueux. Oui, après, ouais, c'est les appellations d'origine contrôlée, donc voilà. Ça passe. C'était pour la blague. Donc Marco, eh ben, il représente... Je le mettrai en haut de l'affiche parce que pour moi il représente le plus l'âme de ce festival parce qu'il est là, pas depuis le début, mais depuis que j'y vais il y est. Mais presque, ouais. Voilà, mais presque. Et donc j'ai vu toute son évolution, j'ai vu qu'il était d'abord chez Bambou, il avait commencé avec une BD assez drôle mais qui est passée assez inaperçue par contre, qui s'appelle Agence Barbare. Donc je pense que vous pouvez peut-être encore les trouver, mais ce sera peut-être un peu compliqué. Oui, peut-être après aussi en chinant, dans les occasions ou les foires à tout, ça... Voilà, c'est ça. Peut-être se trouver. Et ça, c'est très bien. Et puis après, il a passé la... Comme la plupart des dessinateurs ont, je pense, ont connu cette épreuve, c'est faire valider, faire... essayer de faire publier leurs œuvres ailleurs. Il y a longtemps un peu galéré pour trouver un nouveau... Une nouvelle maison d'édition. Nouvelle maison d'édition. D'ailleurs, il est resté chez Bambou quand même, d'ailleurs. Ouais. Mais il est passé sur quelque chose de totalement différent et qui va... assez bien avec le thème de cette année 2014, à savoir le centenaire de la Grande Guerre. Et cette BD s'appelle Ligodillo. Voilà, donc ça raconte les pèlerinations de poilus donc pendant les tranchées. Donc ça reste une BD humoristique. Là, on reste chez Bambou, donc voilà, avec un trait cartoon. Encore d'ailleurs, une fois. On peut justement pour revenir sur le documentaire, on voit un moment qu'il réalise une planche et on voit justement comment il travaille et on voit une planche des Godillots. C'est ça. Il travaille, d'ailleurs, ça fait partie des dessinateurs qui travaillent encore pas mal à l'ancienne, on dirait certains. Parce que maintenant, pas mal de dessinateurs travaillent au numérique. Voilà, de toute façon, c'est plus simple parce que je connais des dessinateurs qui ont eu le très gros désagrément de perdre des planches à la poste. Et là, comment dire, ben après, il faut recommencer ou faut se batailler au téléphone pour trouver les planches. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Ouais, Internet, c'est plus simple, on envoie juste une copie et... Voilà, ça c'est sûr. Donc, il travaille encore pas mal à l'ancienne, donc aquarelle, pour la plupart. Et maintenant, il s'est retrouvé, de seconde jeunesse. Il publie pas mal de choses. D'ailleurs, sur deux traits qui sont assez différents. Il publie donc les Godillots, qui, ben voilà... Et il publie aussi Voyage 1. Alors les Voyages 1, c'est généralement des voyages qu'ont réalisé, je crois qu'ils ont réalisé, oui, l'auteur des... le scénariste des Rugbymen, avec sa femme, parce qu'ils sont deux, à travailler sur le scénar. Donc Marco, lui, s'occupe de la partie dessin. Et le trait est assez différent. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus dans le contemplatif. Et il réalise aussi des GOBD, qui raconte la vie de peuplades comme les Inuits par exemple. D'accord. Donc voilà, c'est il se diversifie quand même un petit peu. Je pense que c'est voilà. Je pense que c'est du temps un petit peu, oui. Ouais, c'est surtout pour en vivre, je pense déjà, premièrement, parce que comme on le répétera jamais assez, le métier de dessinateur BD reste assez précaire. Mais voilà, c'est pas non plus, encore une fois, c'est pas parce que faut sortir plein de trucs que c'est galvaudé, quoi. Oui. Ouais, faut pas s'habituer. Il y a toujours de la qualité derrière dans cette collection. Ça se laisse toujours lire. Bon, les GOBD, ça peut être lire par un adulte, mais ça se lit très bien par un enfant. C'est surtout vu pour eux d'ailleurs. Pour un public enfant, mais on leur raconte pas, on les prend pas pour des idiots. C'est bien, c'est parfait à lire. D'accord, oui. Non mais moi je, de toute façon je recommanderais de lire Lego Dio, c'est vraiment bien. Je trouvais ça vraiment déjà superbement dessiné et le scénar est vraiment pas mal quoi. D'accord. Mais... T'as une autre précision sur un autre auteur ou on peut passer à la partie d'après? On va peut-être faire un petit on va jeter peut-être un petit mot sur le sur l'albigeois né à Rodez, à savoir ouais, Christophe Beck. Alors Christophe Beck, peut-être ça dira rien à certaines personnes, et ben alors je le recommande chaudement d'aller visualiser le catalogue Soleil pour voir à quel point son nom apparaît un peu partout. Donc déjà c'est un dessinateur de. C'est un grand très bon dessinateur déjà, et en plus il est doublé d'un très bon scénariste, ce qui est encore mieux pour lui. Ce qui est assez rare aussi d'ailleurs. Très accompli. Voilà, c'est un auteur très accompli. Et donc vous pouvez voir pas mal de ses BD chez Soleil, par exemple, comme Prométhée, qui est vraiment bien, et Cargo qui est pas mal aussi. Et sa dernière nouveauté qui viendra probablement signer cette fois parce qu'il est en tant que scénariste, c'est Lancaster chez qui déjà? Je ne dis pas de bêtises. Hop, Lancaster chez Glénat. Chez Glénat, d'accord. Dessiné par Jean-Jacques Dialowski. Et Jean-Jacques Dialowski, c'est une petite anecdote, ça, c'est pour le, c'est la trivia, comme on dit. Et un dessinateur qui m'a avoué avoir commencé à 14 ans chez Lug. Ah, pas mal. Pas mal, voilà. Il a longtemps dessiné, pour faire longtemps, il a dessiné pas mal de Batman et ainsi de suite. Donc pour un Frenchie, quand même, c'est pas mal. Oui, et puis débuter à 14 ans, c'est. Ah oui, quand. C'est pas mal non plus. Quand on voit de quoi il est capable, ça laisse quand même rêveur. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des auteurs présents, donc je pense que bon, vous irez voir sur le lien, hein, pour les autres oui. Auteurs, il y a pas mal d'autres dessinateurs. Si vous aimez des traits très, très à la peinture, par exemple, vous aurez Pascal Croqui, ou Croci, je ne sais pas bien le nom, que je, comment se prononcer, voilà, qui fait des dessins de l'aquarelle, c'est un peu, vous verrez, je vous laisse regarder, c'est très joli. Après, bien évidemment, on n'en a pas parlé, mais bon, je pense que les gens connaîtront un peu, c'est Patrick Sobral, des légendaires. Oui, ouais. C'est vrai que c'est lui, moi, qui attache vraiment plus l'œil directement quand on voit Patrick Sobral. Ouais, on associe directement aux légendaires, on voit la renommée qu'il y a derrière. Ah oui, et puis ça, voilà, les légendaires, c'est aussi une locomotive de l'édition de la BD, quoi. C'est-à-dire, ce qui est, ça marche bien, quoi. Oui. Bah ouais, il me semble que ça va être pour Angoulême de l'édition de cette année. Il n'y a pas eu un train si. Qui a porté les couleurs des légendaires. Et je crois. Oui, si le train. Oui, c'est cette année. Oui, tu as raison. Ouais. Oui. Donc ouais, si c'est ça, s'il arrive des trucs comme ça, c'est que oui, ça marche plutôt bien. Ah oui, surtout que ça reste voilà une bonne BD. Bon, à mon grand regret, il a sorti qu'une seule BD un peu plus typée adulte, qui était La Belle et la Bête, ouais. Et qui s'est lamentablement planté commercialement. Ah. Et je sais pas pourquoi, parce que moi, chaque fois que je le lis, je me régale. Après ouais, si ça trouve son public, ou après, ouais, c'est. Ah, le problème, c'était que. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi. C'était un peu le grand écart, quoi. Pour le lecteur qu'il avait sur les légendaires, qui reste quand même un public adolescent, quoi. Encore une fois, voilà. C'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est mal fait. Donc du coup, bah, on a parlé de l'historique du festival. Hein, on a un petit peu dit où ça se trouvait, donc à la Fouillade dans l'Aveyron, mais on n'a pas dit quand est-ce que ça se passait. Donc c'est du samedi au dimanche 26-27 juillet, de 10h à 18h. Entrée gratuite. Et entrée gratuite, oui, c'est ça qu'il faut préciser. The place to be free. Comme dirait un certain Médoc. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah je pense que ça peut faire ça fait un bon petit week-end quand même, 10h, 18h, c'est pas excessivement long ni trop court, pour tout ce qu'il y a à faire, parce que du coup là où on a juste parlé des auteurs BD, mais il y a aussi des auteurs de livres jeunesse et de littérature. Ça on n'a pas vu, parce qu'on connaît peut-être pas trop, moi, du moins moi non, je connais pas trop, mais on reviendra peut-être dans l'after pour faire un point dessus, ouais. Ouais, allez sur le site ou venez après à la fouillade pour voir directement sur place. Mmh. Mais de toute façon, nous ne répéterons jamais assez si vous n'allez pas à ce festival. Ce n'est pas grave. Mais si vous aimez la BD un minimum, n'hésitez jamais, jamais, au grand jamais, à aller dans un festival BD. Oui. Oui, pour en faire quelques-uns, c'est vrai que c'est toujours assez appréciable de voir les auteurs comme ça, en dédicace, de pouvoir leur parler, et voilà. Abuse, vous apprendrez des trucs de ce qu'on appelle le truc du mordu, vous savez, le mordu de BD. Vous verrez que les sacs font la queue. Oui. c'est une spécificité du monde de la BD, les sacs font la queue, c'est formidable. Oui. Des types campent à minuit pour avoir une dédicace, c'est formidable, c'est le monde de la BD. Bon, je pense qu'à la fouillade, il n'y a personne à minuit, mais... Oui, bah ouais, surtout si ça ferme à 18h, à minuit, ouais, ça risque de faire un petit peu bizarre. Ça risque de faire un petit peu long. Non, puis c'est, voilà, c'est ce que moi j'appelle les festivals, encore une fois, je me répète, à taille humaine. C'est pas hyper bondé. Si vous voulez quand même un docteur en particulier, allez-y quand même un peu plus tôt, essayez d'être là aux horaires d'ouverture pour essayer d'être dans les premiers, pour être sûr de l'avoir. Et par contre, et après, c'est ça que j'ai pas, en cherchant où est-ce que ça se trouvait spécifiquement, j'ai pas su y trouver. J'ai vu que c'était marqué à l'Omnisport, à la salle Omnisport, mais j'ai pas su voir où est-ce qu'elle est, ça se trouvait sur dans la ville. Donc je pense que ça va être quand même assez bien indiqué pour pouvoir y aller. Indiqué. Et puis ici, ceux qui veulent y aller, c'est pas très loin, vous verrez, il y a une église tout en haut d'une côte, et c'est par là quoi. D'accord, oui. Oui, de toute façon, après, oui, si on s'arrête pour demander à un passant, il doit savoir à peu près où se trouve le festival. C'est ça, voilà, ça reste quand même relativement petit. Voilà. Après, j'avais noté aussi, donc, pour la partie lieu et date de sortie, que Marco sera en dédicace aussi à Villefranche-Durouergue le vendredi 25 juillet à l'Hyper-U de Villefranche. Donc ça permet peut-être aussi d'aller le voir un petit peu plus intimement, même s'il doit y avoir du monde, mais directement voilà, en solo. Moi je n'ai pas grand chose à rajouter, hein, de toute façon. Ah, j'ai bien fait mon travail. Oui, tu as bien fait ton travail. Non, après je pense qu'on en reviendra un petit peu plus en profondeur dans l'after, mais reste du. Voilà, ça reste un festival BD, quoi, donc. L'important, c'est surtout ce qu'on y fait là-bas. Hein. Oui, ouais. Donc, justement, ça fait une belle transition. Qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas? Outre les dédicaces de. J'avais noté 60 invités sur le site. Il y a une exposition de Christophe Beck. Donc, j'avais commencé à regarder, mais j'ai perdu le lien. Donc, c'est un auteur assez jeune, je crois, ça. Christophe Beck, il dort la quarantaine, je crois. S'il a commencé, je m'en rappelle, j'avais le lien là. Alors, signe depuis, ben, ça fait 24 ans qu'il est dans le métier. 24 ans, oui. Ça. Donc, ouais, donc il a fait, ouais, il a fait quand même beaucoup de séries au niveau du scénario. Donc, il a fait Prométhée, Cargo, Royal Oubrek et Lancaster. Ouais. Donc du coup, l'exposition qui a lieu, c'est sur Genesis. C'est un travail qu'il est en train de faire actuellement, qui va bientôt être publié, je crois, c'est ça. C'est ça. Après, ça reste pour donner un ordre d'idée aux gens. Ça reste du très, du très réaliste. Un peu comme 13, quoi. Ouais, donc ça, oui, il n'y a pas trop de débordements ou de boss bizarres. C'est très, oui, ancré, comme si c'était une photo, en fait. C'est ça, voilà. Donc du coup, il y aura son exposition. Il y a aussi, j'ai noté deux ateliers. Donc un atelier de sculpture de papier mâché par Michel Le Brassac et un atelier de marbrure sur papier animé par Béatrice Paget. Il me semble que c'est des ateliers qui viennent aussi chaque année. J'ai dû voir ça aussi pour les années précédentes. Ouais. Oui, j'aime bien faire des petites animations. Bon, ça reste un petit festival, il n'y a pas 54 000 animations, mais oui, il y a toujours des petites animations. Oui, puis après, ouais, c'est pas forcément des animations sur la BD en elle-même. C'est des trucs qui sont à côté, même si ça utilise du coup le papier, moi, qui fait une grande partie du monde de la BD, ça permet de faire autre chose avec de la BD. Je pense, ouais, ça peut être pas mal. J'irais faire un tour sur ces deux ateliers. Ouais, juste pour voir. Bah, bien sûr, hein. Ça se regardait, de toute façon. Ceci n'engage à rien, comme on dit. Oui, oui, oui, voilà. Puis en plus, oui, voilà, l'entrée est gratuite, donc vraiment, on peut vraiment voir. Et puis, Et puis c'est ça, il y a une bonne ambiance, c'est pas, c'est pas l'usine quoi. Donc ouais, le programme ça fait quand même peut-être assez court, mais je trouve que pour un week-end, pour un petit festival comme tu le dis, vraiment familial, je pense que bah ça, ça peut le faire. Il y a vraiment de tout, une expo, il y a bah, du coup les rencontres et dédicaces et deux ateliers qui sont un petit peu annexes on va dire, ouais, ça, ça peut le faire. Et après oui, il y a peut-être à côté de la fouillade, on peut peut-être sortir un petit peu du monde de la BD et faire la visite de la ville et qui est Najac qui est pas très loin, où on peut visiter le château et la ville. Donc ça peut se combiner aux deux aussi, je pense. Ah oui, ça se combine très bien hein, d'ailleurs. Ce Najac, c'est vraiment très joli à voir. Voilà, si vous passez par là, n'hésitez jamais à vous arrêter, ça reste très agréable. Le château est pas mal. On y est allé plusieurs fois. Je l'ai fait là, il y a quelques semaines justement où j'étais en vacances là-bas et c'était pas mal. Ouais, pour expliquer aux gens qui ne verraient pas à quoi ça correspond à peu près grosso modo à ce que les Français ont qualifié de meilleur village de France, à savoir Cordes-sur-Ciel. Oui. Place médiévale là, c'est très joli, c'est vraiment. C'est vraiment typique du sud-ouest, quoi, voilà. Les Bastides du sud-ouest. C'est ça. C'est très, toujours très joli à voir, et c'est un petit peu moins escarpé que Cordes, surtout. Oui. Parce que Cordes, c'est quand même... Cordes sur ciel, ça c'est quand même l'aventure, hein, pour monter jusqu'en haut. Ça peut pas monter en bas, tu me dis. Mais... Si, je t'expliquerai en off, on peut très bien monter en bas. Ah, oh. Attention, là où il y a du teasing. Donc du coup, qu'est-ce que tu comptes faire toi pendant ces 2 jours? Est-ce que déjà tu vas y aller les 2 jours? Alors je pense pas y aller les 2 jours parce que bon, j'ai quand même très peu de choses à voir. Après, je vais surtout y aller pour faire 2-3 BD et surtout voir depuis le temps que je connais ces dessinateurs pour leur prendre 2-3 nouvelles. Hein. Oui. Bah, c'est vrai, ouais, c'est l'occasion aussi de ouais, on va dire entre guillemets des amis parce que c'est pas forcément comme des amis, mais voilà, des personnes de connaissances. C'est ça, voilà, on prend toujours 2-3 nouvelles, ça fait toujours plaisir, on voit s'ils ont 2-3 nouveautés, ça nous fait plaisir surtout à nous de nous le voir qui travaille, de voir qui sort des trucs. Moi quand je disais quand l'auteur Marco, je le voyais galérer, et moi ça me faisait mal au cœur quoi. Je savais que c'était quelqu'un qui avait du talent, et ça fait toujours mal de voir quelqu'un qui a du talent et qu'on apprécie, de le voir un peu, pas végéter, mais de voir que ça galère quoi. Et que ça fait plaisir aussi de revenir une année et de le voir avec plein de nouveautés quoi. Oui, je comprends ouais, ce que ça peut faire. Moi, je pense pas non plus y aller peut-être les 2 jours, mais ouais, au moins un jour et profiter vraiment toute la journée de ça. Mmh. Après, moi, j'ai pas. Non, c'est ça. C'est, Personnellement, j'ai vu dans la liste, bah, j'ai pas du tout de BD des auteurs présents, donc ça sera peut-être aussi l'occasion d'acheter sur place. S'il y a vraiment un coup de cœur qui me saute aux yeux, je sais bon bah on va prendre et puis on va faire un petit dessin dessus, ça fera toujours plaisir. Mais comme tu me le vends, ouais, c'est un bon festival, donc ouais, je vais sûrement bien y aller et bien viser. Voilà, et ben je vais continuer peut-être enfin. Alors vous annoncez un festival auquel je n'y vais pas cette fois. Parce que c'est un peu loin, mais j'hésite quand même. C'est le festival, peut-être que certains le connaissent parce que c'est l'un des. Et plus côté festival de France, c'est le festival des Hauses dans le Gers. Ah oui. Donc là, par contre, c'est que la journée du dimanche. Oui. Bah, j'ai vu aussi traîner quand j'ai fait un petit peu de recherche et avant, bah, j'habitais pas trop loin. Je devais être à 1 heure aussi des Hauses et ça me donnait bien envie d'y aller, mais j'ai malheureusement pas pu y aller. Et là, c'est un peu plus. C'est un peu moins. Un peu moins familial. C'est un peu moins familial. Voilà, c'est un peu plus. Pas l'usine, mais. Oui, c'est un peu plus conséquent en fait. Voilà. C'est un peu plus conséquent. Déjà, la liste d'auteurs est beaucoup plus conséquente. Déjà, il doit y avoir à peu près le double d'auteurs, si ce n'est même plus. Et donc, mais ça, je vous laisse regarder aussi le Festival des Hauses. Vous verrez que c'est assez réputé. Pas mal d'auteurs. Et je vais inciter quelques-uns. Alors, par exemple, il y a HD. Pour certains, HD ne leur dira rien, mais HD est la personne qui a repris Lucky Luke. Ouais. Il y a un tome qui vient de sortir, ou qui va sortir bientôt, je pense. Ah, c'est ça, ouais. Après, il y a, si vous voulez, un dessinateur de qualité, il y a Bois Commun, très bon dessinateur. Il y a encore Bob de Grotte, je crois que Bob de Grotte, c'est le dessinateur de Léonard, je suis. Il n'y a rien de nom, peut-être. Je crois que c'est... Enfin, il est crédité à Léonard, mais je sais pas. Non, texte, c'est le scénariste de Léonard. D'accord. Après, il y a aussi Cabu, je ne sais pas pourquoi, mais il y a Cabu quand même. Après, qui c'est qu'on retrouve encore comme nom, comme tête d'affiche, il y a Drouillet, qui a longtemps travaillé sur Metal Hurlant avec, je vais me rappeler, Moebius. Il est l'un des plus grands dessinateurs français encore vivant. Hein. Et l'un des meilleurs dessinateurs tout court. Après, faut aimer le style Drouillet, c'est assez particulier, mais voilà. Je sais que ça a influencé pas mal la BD. C'est quand même, ils sont quand même arrivés à influencer la BD américaine. Il n'y en a pas beaucoup des petits Français qui ont réussi à faire ça quand même. Ouais, ça reste quand même à applaudir. On retrouvera Marco. Encore lui. Encore lui. Et oui, il doit faire la tournée, il en profite, hein, parce que, comme on ne le répétera jamais assez, c'est pris sur leur taille libre. Hein. C'est vrai que c'est compliqué aussi pour de tout enchaîner comme ça. Ouais, c'est là que c'est compliqué. Quoi. Après, bon, je vous laisserai regarder la liste, mais il y a 2-3 auteurs. Et j'avais vu. Donc n'hésitez jamais, voilà, à jamais aller à un festival BD, jamais. Sauf si c'est loin, bien évidemment. Oui, ouais, quand c'est juste à côté ou en vacances ou des trucs comme ça, ouais, c'est un moment de passer un bon moment, même en famille ou solo, ça peut se faire. Et... Mmh. Bah, bien sûr. Hein. Tu avais une anecdote, non? Non, je voulais juste rajouter ouais, que sur le site EOS, bah, en fait, ils organisaient souvent un concours chaque année où il faut prendre en photo l'affiche le plus loin possible de EOS. Et je trouve ça, c'est pas mal, je trouve ça rigolo quand même. Non, et sur le festival, il y a un concours aussi, une espèce de concours minute, moi j'appellerais ça. C'est une question qui est lancée par le speaker. Et la première personne à y répondre correctement gagne des livres. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça fait une animation en plus, quoi. À noter aussi qu'une année, ils avaient vendu des bouteilles avec des étiquettes, les dessinateurs avaient fait les étiquettes d'Armagnac. qui est l'Armagnac, qui est le régional de l'étape. À quoi ça m'a fait modération toujours, mais le régional de l'étape. Oui, après, ouais, je pense que ça va être collector d'avoir une bouteille avec une étiquette d'un dessinateur. J'en ai une à la maison, André Chéré. un exemplaire. Point. Ah, mais c'est vrai qu'on est fan de Rahan. Oui, c'est sûr, après, oui, on peut y aller. Mais bon, ça reste toujours, vous savez, qu'à un exemplaire, ça comptera jamais. Des sangs et des billes, même si ça a toujours une valeur, mais... Ah, oui. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'exemplaire qui est tout seul, ce qu'on appelle la pépite, tu vois, le truc, quelqu'un vient chez toi, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Oui, après, ouais, c'est un peu comme si c'était une dédicace vraiment spéciale, encore plus, du coup. Oui, c'est ça, c'est un peu plus... voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai que c'est toujours rigolé, quoi. Ça fait toujours sympa, quoi, tu mets ça derrière une vitrine ou tu le sors de temps en temps et tu te dis « Ok, c'est rigolo. » Oui, je suis l'unique possesseur de cette bouteille. C'est de l'Armagnac en plus, alors de suite, ça fait classe, quoi. Donc, ben voilà, ouais, c'est un festival qui est un peu plus gros. Après, c'est vrai que dans le sud-ouest des festivals, il n'y en a plus des 100 et des 1000, quoi. Mais bon, il y a de quoi faire, quoi. Oui, d'ailleurs... J'ai vaguement entendu le nom prononcé de ta part. C'est où est-ce qu'on va rechercher tous ces festivals en France et où est-ce qu'on peut trouver? Il y a un site pour ça. Il n'y a pas un site, il y a le site. Le site. Ah, pour une fois, c'est vrai. D'ailleurs, le site a été remis à jour. Ça a été le pinacle quand ce site a été remis à jour parce que, pour une raison diverse et variée, tout se faisait sous le nom de la même URL. Donc, quand on avait le malheur de revenir en arrière, ça coupait tout. Tout qui pétait. Oui. Ça coupait tout. C'était beau. Donc, ce site s'appelle Opal BD. Et sur Opal BD, il y a les festivals et les librairies et les expos. Ouais. Okay. Et c'est y a tout. Bien foutu. Surtout comme il y a la France, mais aussi il y a les pays limitrophes, voilà. Bretagne, Espagne, Italie. Moi, je prends la France, là. On va voir. Je vais dans la région qui nous intéresse, Midi-Pyrénées. Et là, je vois plein de petits points. Tous ces petits points indiquent qu'il y a plus ou moins des festivals. Donc, à savoir un festival dans moins de 1 mois, un festival dans moins de 3 mois, ou un festival dans plus de 3 mois. Donc, ouais, on a quand même une assez bonne vision des festivals qui sont dans le département ou dans la région. Ouais, c'est vrai que ça. C'est un site plutôt utile. Ah, oh oui, non, mais c'est un site vraiment intéressant. En plus, il y a même les festivals qui n'existent plus. Ça aussi, c'est assez rigolo. Je vais citer le feu festival de l'Avoir dans le Tarn. j'y allais chaque année. Oui, bien sûr, le feu festival de Toulouse. Et oui, malheureusement. J'ai fait une fois, c'était la dernière fois, et j'ai bien aimé. Oui, moi j'ai fait la... Moi j'ai fait bah, toutes ces années sauf celle-là, bizarrement. Ah bah voilà, ça porte tes poils. Ça porte la boîte. Et j'avais fait la première année qui avait été épique, c'était sur les bords de la Garonne, et il y avait... c'était sur les donc, rives de la Garonne, donc avec ces jardins un peu, cette herbe un peu sur du sol, un peu, comment dire... Un peu fraîche. Un peu lagadoux, tu vois. Ouais. Tu vois, un peu argileux, tu vois. Et ce jour-là, il a fait la pluie du siècle. Ah, ça devait être bien, je pense. Ah oui, j'ai jamais eu autant de gadou sur moi. Ça avait été, mais... Tous les gens cachés sous les petites tentes, là, c'était beau. C'était... Mais c'est ça, finalement. Oui. Après, oui, voilà, ça laisse des bons souvenirs de festival. Le festival, c'est ça. Mais oui, bien sûr. En plus, mais c'était un gros festival, il y avait du monde. Là. Mmh. Bah ça, la dernière fois que j'y suis, bah du coup à la dernière édition, il y avait quand même ouais le droit. Donc c'est déjà rien que lui, bah c'est pas rien quoi. Oui, parce que dans le coin, déjà qu'on le voit pas souvent, c'est vrai que ça porte à réfléchir. Hein. Après maintenant, c'est sûr que si vous voulez voir d'autres dessinateurs, vous pouvez aussi vous pencher sur le rayon libraire, n'importe quoi. Vous pouvez vous regarder si chez les libraires aussi, de temps en temps, ils font pas venir des auteurs. Oui, c'est vrai que ça se fait de... Bah, peut-être pas de plus en plus, mais c'est vrai que ça se fait assez fréquemment, les dédicaces en librairie. Non, mais c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien toujours en librairie, bon c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, forcément il n'y a qu'un auteur, mais je me rappelle une fois être allé en vacances à Paris, être tombé sur, en me baladant dans les petites ruelles, hop, une librairie BD, hop, je rentre, une dédicace et on a discuté pendant 3 heures. Oui voilà, ouais, ça permet de discuter vraiment avec les auteurs, c'est toujours ça quoi. C'est toujours plaisant, mais je pense que c'est surtout pour ça qu'il faut y aller, parce que bon... Certains d'entre vous auront vu encore peut-être une fois la fausse polémique, moi j'appelle ça, du Paris Comics Expo, où en fait les organisateurs ont signifié que certains auteurs seraient payants, oui. Ou pas, et ce sera au libre choix de l'auteur, au cas par cas, de décider. Finalement, ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Oui, mais après, je sais plus si j'en avais déjà parlé avec toi, mais c'est en fait, j'avais appris la raison, c'est que les auteurs venaient de leurs propres moyens acheter l'espace du stand à leurs propres moyens, donc c'était un petit peu normal qu'ils se faisaient payer pour les dédicaces. Alors qu'en France, c'est l'inverse, c'est les éditeurs ou les libraires qui font venir les auteurs sur leur stand, qui eux du coup vendent des BD et se rémunèrent un peu, équilibrent la balance de cette façon-là. Ils font venir les auteurs qui font vendre, du coup ils rentrent dans leurs frais. C'est ça. Et voilà, c'est toujours, comme moi je dis, ça dépend de quel côté on se met de la barrière, quoi, oui, selon le côté... Après voilà, faut toujours se rappeler que les auteurs de BD ont quand même un métier assez précaire, forcément. Si on regarde ceux qui gagnent le plus, forcément ils gagnent de l'argent, comme tout le monde. Oui. Moi je suis informatique, je travaille dans l'informatique, je ne gagne pas autant que Bill Gates et je ne gagne pas autant que John Carmack. Malheureusement. Ah bon, c'est bizarre, à mon grand ça. Regret d'ailleurs. je menais pas non plus leur talent, donc on peut pas tout avoir. Mais je pense que Paris Comics Expo, je pense qu'on y reviendra peut-être dessus. Moi, je pense que j'aurai peut-être pas l'occasion d'y aller, mais je pense que ça peut être un événement. Si je trouve quelqu'un ou si moi je peux y aller, ouais, pourquoi pas. Après, oui, il y a toujours plein de sorties de ce type à faire. Du coup, merci d'être venu pour ce before du festival de la Fouillade. Merci à toi. On se retrouve, de rien. On se retrouve donc soit samedi ou soit dimanche. Je pense qu'on va y aller ensemble tous les deux comme des grands pour que ça soit un petit peu plus convivial quand même. Ah, c'est ça. Et après, on fera un magnifique after. Édifié qu'on a eu plein de belles dédicaces, mais malheureusement, l'audio, c'est pas très visuel. Oui, non, mais je mettrai peut-être deux, trois, peut-être une ou deux dédicaces faites sur le moment dans l'article. Comme ça, ça sera toujours ça. Merci, puis à l'after. À l'after. Allez, à bientôt. Monsieur le maire a décidé qu'il fallait s'amuser. Par arrêté municipal, il a ouvert le bal. On a débarrassé toute la place du marché. Quand la nuit est tombée, tout le monde s'est mis à danser. Antonin, la fille du pharmacien, nous avait préparé des pilules pour nous remonter. On les a avalées, ça nous a fait de l'effet. Minuit était passé, on continuait à danser. A sorti son fusil pour tirer des coups nous aussi. Les filles étaient pressées, on s'est pas fait prier. Ça nous a tellement plu que monsieur le maire sera réélu. La petite anecdote sur descendre en haut et monter en bas. Donc, ouais. Tu prends l'immeuble, t'es au dernier étage, tu descends d'un étage, t'es d'accord, t'as bien descendu, mais t'es toujours en haut. Oui. Donc, t'as bien descendu en haut. Ah oui. Ah bah voilà. Et tu fais le même exemple entre monter en bas. Tu prends un immeuble qui est enterré vachement loin, t'es au. Au niveau N qui est le dernier, tu fais un N-1, donc tu remontes d'un étage, t'as bien remonté, mais t'es toujours en bas. Donc t'as bien remonté en bas. Ah oui. Voilà. C'était la conclusion. Là, je vais pas dormir. Ah, ça casse tout, hein. Voilà, on a cassé Internet, on a cassé le monde. Et sur les internets, vous répondez, là. Hein, parce que moi, ouais, je veux des réponses. Lâchez vos coms, comme ils disent. Oh, putain, depuis combien d'années on n'a pas dit ça, là, oula. On va arrêter là-dessus. Ouais, vaut mieux. Ça fera un bon bonus post-générique. Oh oui.